soir, un sourire, un parfum, soit un vent chaud, un refrain, oui, soit le chant d'un troubadour, un avenir, un jour, récompose nos ténors de ta vie, mais soit la raison qui te fait. Soit un rêve, un oreiller, oui, soit une bague, un trésor, une clé, un accord, et compose nos ténors de ta vie. Soit, même si tu n'en peux plus, moi, sans toi je suis perdue. Débrouille-toi, mais sois là, même loin, mais debout, même triste, je m'en fous. Oh, sois juste pour moi, sois ce que tu dois jusqu'à la fin de moi, autrement qu'une partie de moi. Soit un joli bruit qui court, soit un café, un détour, oui, soit l'aube d'un lendemain, le cœur qui te retient et compose nos ténors de ta vie. Soit une enfant, une cour, soit un amour, un toujours, soit un soir juste pour deux, un rocher ou un jeu, et compose note à note ta vie. Soit, même si tu n'en peux plus, moi, sans toi, je suis perdue. Débrouille-toi, mais sois là, même loin, mais debout, même triste, je m'en fous. Oh, sois juste pour moi, sois ce que tu dois jusqu'à la fin de moi, autrement qu'une partie de moi. Mais sois